À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le journal Zabotelin et les pages internet Patriotie Moskva et la République populaire démocratique de Corée d'aujourd'hui et de Russie ont inséré des articles. Le journal a écrit « Les États-Unis ont subi une défaite honteuse dans la guerre de Corée qu'ils ont provoquée. Ce pays aggrave à l'extrême la situation dans la péninsule coréenne. » L'une des raisons est pour perpétuer l'occupation militaire américaine en Corée du Sud. Les sites internet ont exigé des États-Unis de mettre en pièces le commandement des forces onusiennes et de retirer sur le champ leurs troupes de la Corée du Sud, selon la demande unanime de la société internationale.